Piste 49. Exercice 8. 1. Ils viennent avec leurs amis italiens. 2. C'est mon premier atelier de dessin. 3. Elle vient avec son nouveau petit ami. Elle est très heureuse. 4. Elle prend des cours de piano dans une école de musique.